L'attente par Guy de Maupassant. On causait entre hommes après dîner dans le fumoir. On parlait de succession inattendue, d'héritage bizarre. Alors Maître Lebrument, qu'on appelait tantôt l'illustre maître, tantôt l'illustre avocat, vint s'adosser à la cheminée. « J'ai, dit-il, à rechercher en ce moment un héritier disparu dans des circonstances particulièrement terribles. C'est l'un de ces drames simples et féroces de la vie commune. Une histoire qui peut arriver tous les jours et qui est cependant une des plus épouvantables que je connaisse. La voici. Je fus appelé voici à peu près 6 mois auprès d'une mourante. Elle me dit « Monsieur, je voudrais vous charger de la mission la plus délicate, la plus difficile et la plus longue qui soit. Prenez s'il vous plaît connaissance de mon testament là, sur cette table. Une somme de 5 000 francs vous est léguée comme honoraire si vous ne réussissez pas et de 100 000 francs si vous réussissez. Il faut retrouver mon fils après ma mort. » Elle me pria de l'aider à s'asseoir dans son lit pour parler plus facilement car sa voix saccadée, essoufflée, sifflait dans sa gorge. Je me trouvais dans une maison fort riche. La chambre luxueuse, d'un luxe simple, était capitonnée avec des étoffes épaisses comme des murs, si douces à l'œil qu'elle donnait une sensation de caresse, si muette que les paroles semblaient y entrer, y disparaître, y mourir. L'agonisante reprit. Vous êtes le premier être à qui je vais dire mon horrible histoire. Je tâcherai d'avoir la force d'aller jusqu'au bout. Il faut que vous n'ignoriez rien pour avoir, vous que je sais être un homme de cœur en même temps qu'un homme du monde, le désir sincère de m'aider de tout votre pouvoir. Écoutez-moi. Avant mon mariage, j'avais aimé un jeune homme dont ma famille repousse à la demande parce qu'il n'était pas assez riche. J'épousais, peu de temps après, un homme fort riche. Je l'épousais par ignorance, par crainte, par obéissance, par nonchalance, comme épousent les jeunes filles. J'en eus un enfant, un garçon. Mon mari mourut au bout de quelques années. Celui que j'avais aimé s'était marié à son tour. Quand il me vit veuve, il éprouva une horrible douleur de n'être plus libre. Il me vint voir, il pleura et sanglota devant moi à me briser le cœur. Il devint mon ami. J'aurais dû peut-être ne pas le recevoir. Que voulez-vous? J'étais seul, si triste, si seul, si désespéré, et je l'aimais encore. Comme on souffre parfois. Je n'avais que lui au monde. Mes parents étant morts aussi. Il venait souvent. Il passait les soirs entiers auprès de moi. Je n'aurais pas dû le laisser venir si souvent puisqu'il était marié. Mais je n'avais pas la force de l'en empêcher. Que vous dirais-je? Il devint mon amant. Comment cela s'est-il fait? Est-ce que je le sais? Est-ce qu'on sait? Croyez-vous qu'il puisse en être autrement quand deux créatures humaines sont poussées l'une vers l'autre par cette force irrésistible de l'amour partagé? Croyez-vous, monsieur, qu'on puisse toujours résister, toujours lutter, toujours refuser ce que demande avec des prières, des supplications, des larmes, des paroles affolantes, des agenouillements, des emportements de passion, l'homme qu'on adore, qu'on voudrait voir heureux en ses moindres désirs, qu'on voudrait accabler de toutes les joies possibles, et qu'on désespère pour obéir à l'honneur du monde? Quelle force il faudrait, quel renoncement au bonheur, quelle abnégation, et même quel égoïsme d'honnêteté, n'est-il pas vrai? Enfin, monsieur, je fus sa maîtresse, et je fus heureuse. Pendant 12 ans, je fus heureuse. J'étais devenue, et c'est là ma plus grande faiblesse et ma grande lâcheté, j'étais devenue l'ami de sa femme. Nous élevions mon fils ensemble, nous en faisions un homme véritable, intelligent, plein de sens et de volonté, d'idées généreuses et larges. L'enfant atteignit 17 ans. Lui, le jeune homme, aimait mon amant presque autant que je l'aimais moi-même, car il avait été également chéri et soigné par nous deux. Il l'appelait bon ami, et le respectait infiniment, n'ayant jamais reçu de lui que des enseignements sages et des exemples de droiture, d'honneur et de probité. Il le considérait comme un vieux, loyal et dévoué camarade de sa mère, comme une sorte de père moral, de tuteur, de protecteur, que sais-je. Peut-être ne s'était-il jamais rien demandé, accoutumé dès son plus jeune âge à voir cet homme dans la maison, près de moi, près de lui, occupé de nous sans cesse. Un soir, nous devions dîner tous les trois ensemble, c'était là mes plus grandes fêtes, et je les attendais tous les deux, me demandant lequel arriverait le premier. La porte s'ouvrit, c'était mon vieil ami. J'allai vers lui, les bras tendus. Il me mit sur les lèvres un long baiser de bonheur. Tout à coup, un bruit, un frôlement, presque rien. Cette sensation mystérieuse qui indique la présence d'une personne nous fit tressaillir et nous retourner d'une secousse. Jean, mon fils, était là, debout, livide, nous regardant. Ce fut une seconde atroce d'affolement. Je reculai, tendant les mains vers mon enfant comme pour une prière. Je ne le vis plus. Il était parti. Nous sommes demeurés face à face, atterrés, incapables de parler. Je m'affaissais sur un fauteuil, et j'avais envie, une envie confuse et puissante de fuir, de m'en aller dans la nuit, de disparaître pour toujours. Puis des sanglots convulsifs m'emplirent la gorge, et je pleurais, secoué de spasmes, l'âme déchirée, tous les nerfs tordus par cette horrible sensation d'un irrémédiable malheur, et par cette honte épouvantable qui tombe sur le cœur d'une mère en ces moments-là. Lui, restait effaré devant moi, n'osant ni m'approcher, ni me parler, ni me toucher, de peur que l'enfant ne revînt. Il dit enfin, « Je vais le chercher, lui dire, lui faire comprendre. Enfin, il faut que je le voie, qu'il sache. » Et il sortit. J'attendis. J'attendis éperdu, tressaillant au moindre bruit, soulevé de peur et je ne sais de quelle émotion indicible et intolérable à chacun des petits craquements du feu dans la cheminée. J'attendis une heure, deux heures, sentant grandir en mon cœur une épouvante inconnue, une angoisse telle que je ne souhaiterais point au plus criminel des hommes 10 minutes de ces moments-là. Où était mon enfant? Que faisait-il? Vers minuit, un commissionnaire m'apporta un billet de mon amant. Je le sais encore par cœur. « Votre fils est-il rentré? Je ne l'ai pas trouvé. Je suis en bas. Je ne peux pas monter à cette heure. » J'écrivis au crayon sur le même papier. « Jean n'est pas revenu. Il faut que vous le retrouviez. » Et je passai toute la nuit sur mon fauteuil, attendant. Je devenais folle. J'avais envie de hurler, de courir, de me rouler par terre. Et je ne faisais pas un mouvement, attendant toujours. Qu'allait-il arriver? Je cherchais à le savoir, à le deviner. Mais je ne le prévoyais point, malgré mes efforts, malgré les tortures de mon âme. J'avais peur maintenant qu'il ne se rencontrasse. Que ferait-il? Que ferait l'enfant? Des doutes effrayants me déchiraient, des suppositions affreuses. Vous comprenez bien cela, n'est-ce pas, monsieur? Ma femme de chambre, qui ne savait rien, qui ne comprenait rien, venait sans cesse, me croyant folle, sans doute. Je la renvoyais d'une parole ou d'un geste. Elle alla chercher le médecin qui me trouva tordu dans une crise de nerfs. On me mit au lit. J'eus une fièvre cérébrale. Quand je repris connaissance, après une longue maladie, j'aperçus près de mon lit mon amant. Seul, je criai, « Mon fils, où est mon fils ?» Il ne répondit pas. Je balbutiai, « Mort ? Mort, il s'est tué ?» Il répondit, « Non, non, je vous le jure, mais nous ne l'avons pas pu rejoindre, malgré mes efforts. » Alors je prononçai, exaspéré soudain, indigné même, car on a de ces colères inexplicables et déraisonnables, « Je vous défends de revenir, de me revoir, si vous ne le retrouvez pas. Allez-vous-en. » Il sortit. « Je ne les ai jamais revus ni l'un ni l'autre, monsieur, et je vis ainsi depuis 20 ans. Vous figurez-vous cela? Comprenez-vous ce supplice monstrueux, ce lent et constant déchirement de mon cœur de mère, de mon cœur de femme, cette attente abominable et sans fin, sans fin? Non, elle va finir, car je meurs. Je meurs sans les avoir revus, ni l'un ni l'autre. Lui, mon ami, m'a écrit chaque jour depuis 20 ans. Et moi, je n'ai jamais voulu le recevoir, même une seconde. Car il me semble que s'il revenait ici, c'est juste à ce moment-là que je verrais reparaître mon fils. Mon fils, mon fils, est-il mort? Est-il vivant? Où se cache-t-il? Là-bas, peut-être, derrière les grandes mers, dans un pays si lointain que je n'en sais même pas le nom. Pense-t-il à moi? Or, s'il savait que les enfants sont cruels, a-t-il compris à quelle épouvantable souffrance il me condamnait? Dans quel désespoir, dans quelle torture il me jetait vivante et jeune encore, pour jusqu'à mes derniers jours, moi, sa mère, qu'il aimait de toute la violence de l'amour maternel? Que c'est cruel, dites. Vous lui direz tout cela, monsieur. Vous lui répéterez mes dernières paroles. Mon cher enfant, mon cher, cher enfant, sois moins dur pour les pauvres créatures. La vie est déjà assez brutale et féroce. Mon cher enfant, songe à ce qu'a été l'existence de ta mère, de ta pauvre mère, à partir du jour où tu l'as quittée. Mon cher enfant, pardonne-lui et aime-la, maintenant qu'elle est morte, car elle a subi la plus affreuse des pénitences. Elle haletait, frémissante, comme si elle eût parlé à son fils, debout devant elle, puis elle ajouta « Vous le direz encore, monsieur, que je n'ai jamais revu l'autre. » Elle se tut encore, puis reprit d'une voix brisée « Laissez-moi maintenant, je vous prie. Je voudrais mourir seule, puisqu'ils ne sont point auprès de moi. » Maître Lebrumant ajouta « Et je suis sorti, messieurs, en pleurant comme une bête, si fort que mon cocher se retournait pour me regarder. Et dire que tous les jours, il se passe autour de nous un tas de drames comme celui-là. Je n'ai pas retrouvé le fils, ce fils. Pensez-en ce que vous voudrez. Moi, je dis ce fils, criminel. » C'était L'attente par Guy de Maupassant.